Amandine, raconte à ton papou la beauté des collines, que tout te semble doux. Quand tu t'endors, blottis tout contre lui, des rêves d'or jusqu'au bout de la nuit. Des chevaux au galop t'entraînent vers le ciel, tu deviens fée rebelle. Tous les dragons, tous les méchants, tu les écrases, les disperses. Et là-haut, tout au bout du vent, un chant tout doucement te berce. Douce Amandine, raconte à ton papou la beauté des collines, que tout te semble doux. Douce Amandine, raconte à ton papou, quand tu t'endors, blottis tout contre lui, des rêves d'or jusqu'au bout de la nuit. Tu oublies les chevaux, marche sur les étoiles, porté comme une voile. Tout devient beau, tout devient grand, plus de bobos qui te traversent. Et là-haut, tout au bout du vent, un chant tout doucement te berce. Douce Amandine, raconte à ton papou la beauté des collines, que tout te semble doux. Douce Amandine, raconte à ton papou, quand tu t'endors, blottis tout contre lui, des rêves d'or jusqu'au bout de la nuit. Et là-haut, tout au bout du vent, un chant tout doucement te berce. Douce Amandine, raconte à ton papou